Chapitre 17 Formation des médiums. Développement de la médiumnité, changement d'écriture, perte et suspension de la médiumnité. Développement de la médiumnité. 200. Nous nous occuperons spécialement ici des médiums écrivains, parce que c'est le genre de médiumnité le plus répandu et en outre, parce que c'est à la fois le plus simple, le plus commode, celui qui donne les résultats les plus satisfaisants et les plus complets. C'est aussi celui que tout le monde ambitionne. Il n'y a malheureusement jusqu'à présent aucun diagnostic qui puisse indiquer, même approximativement, que l'on possède cette faculté. Les signes physiques auxquels certaines personnes ont cru voir des indices n'ont rien de certain. On la trouve chez les enfants et les vieillards, chez les hommes et les femmes, quel que soit le tempérament, l'état de santé, le degré de développement intellectuel et moral. Il n'y a qu'un seul moyen d'en constater l'existence, c'est d'essayer. On peut obtenir l'écriture, comme nous l'avons vu par le moyen des corbeilles et planchettes, ou directement avec la main, ce dernier étant le plus facile, et l'on peut dire le seul employé aujourd'hui. C'est celui auquel nous engageons à s'adonner de préférence. Le procédé est des plus simples. Il consiste uniquement à prendre un crayon et du papier et à se mettre dans la position d'une personne qui écrit sans autre préparation. Mais pour réussir, plusieurs recommandations sont indispensables. 201. Comme disposition matérielle, nous recommandons d'éviter tout ce qui peut gêner le libre mouvement de la main. Il est même préférable que celle-ci ne repose pas du tout sur le papier. La pointe du crayon doit appuyer suffisamment pour tracer, pas assez pour éprouver de la résistance. Toutes ces précautions deviennent inutiles une fois que l'on est parvenu à écrire couramment, car alors nul obstacle ne saurait arrêter. Ce ne sont que les préliminaires de l'écolier. 202. Il est indifférent de se servir de la plume ou du crayon. Certains médiums préfèrent la plume, mais elle ne peut convenir qu'à ceux qui sont formés et qui écrivent posément. Il y en a qui écrivent avec une telle vélocité que l'usage de la plume serait presque impossible, ou du moins très incommode. Il en est de même quand l'écriture est saccadée et irrégulière, ou quand on a affaire à des esprits violents qui frappent avec la pointe et la brise en déchirant le papier. 203. Le désir de tout aspirant médium est naturellement de pouvoir s'entretenir avec l'esprit des personnes qui lui sont chères, mais il doit modérer son impatience, car la communication avec un esprit déterminé offre souvent des difficultés matérielles qui la rendent impossible pour le débutant. Pour qu'un esprit puisse se communiquer, il faut entre lui et le médium des rapports fluidiques qui ne s'établissent pas toujours instantanément. Ce n'est qu'à mesure que la faculté se développe que le médium acquiert peu à peu l'aptitude nécessaire pour entrer en relation avec le premier esprit venu. Il se peut donc que celui avec lequel on désire communiquer ne soit pas dans des conditions propices pour le faire, malgré sa présence, comme il se peut aussi qu'il n'ait ni la possibilité ni la permission de se rendre à l'appel qui lui est fait. C'est pourquoi il convient au début de ne pas s'obstiner à demander un esprit déterminé, à l'exclusion de tout autre, car il arrive souvent que ce n'est pas avec celui-là que les rapports fluidiques s'établissent avec le plus de facilité, quelque sympathie qu'on ait pour lui. Avant donc de songer à obtenir des communications de tel ou tel esprit, il faut pousser au développement de la faculté. Et pour cela, il faut faire un appel général et s'adresser surtout à son ange gardien. Il n'y a point ici de formule sacramentelle. Quiconque prétendrait en donner une peut hardiment être taxé de jonglerie, car pour les esprits, la forme n'est rien. Toutefois, l'évocation doit toujours être faite au nom de Dieu. On peut la faire dans les termes suivants ou tout autre équivalent. Je prie Dieu Tout-Puissant de permettre à un bon esprit de se communiquer à moi et de me faire écrire. Je prie aussi mon ange gardien de vouloir bien m'assister et d'écarter les mauvais esprits. On attend alors qu'un esprit se manifeste en faisant écrire quelque chose. Il se peut que ce soit celui qu'on désire, comme il se peut aussi que ce soit un esprit inconnu ou l'ange gardien. Dans tous les cas, il se fait généralement connaître en écrivant son nom. Mais alors se présente la question de l'identité, une de celles qui requiert le plus d'expérience, car il est peu de débutants qui ne soient exposés à être trompés. Nous la traitons ci-après dans un chapitre spécial. Lorsqu'on veut faire appel à des esprits déterminés, il est très essentiel, en commençant, de ne s'adresser qu'à ceux que l'on sait être bons et sympathiques et qui peuvent avoir un motif de venir, comme des parents ou des amis. Dans ce cas, l'évocation peut être ainsi formulée. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je prie l'esprit d'un tel de se communiquer à moi. Ou bien, je prie Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit d'un tel de se communiquer à moi, ou toute autre formule répondant à la même pensée. Il n'est pas moins nécessaire que les premières questions soient conçues de telle sorte que la réponse soit simplement oui ou non, comme par exemple « Es-tu là ? Veux-tu me répondre ? Peux-tu me faire écrire ? » etc. Plus tard, cette précaution devient inutile. Il ne s'agit au commencement que de rapports à établir. L'essentiel est que la question ne soit pas futile, qu'elle n'ait point trait à des choses d'intérêt privé, et surtout qu'elle soit l'expression d'un sentiment bienveillant et sympathique pour l'esprit auquel on s'adresse. Entre parenthèses, voir ci-après le chapitre spécial sur les évocations. Fermez la parenthèse. 204. Une chose encore plus importante à observer que le mode d'appel, c'est le calme et le recueillement joints à un désir ardent et à une ferme volonté de réussir. Et par volonté, nous n'entendons pas ici une volonté éphémère qui agit par saccades et qui est à chaque minute interrompue par d'autres préoccupations, mais une volonté sérieuse, persévérante, soutenue, sans impatience ni désir fiévreux. Le recueillement est favorisé par la solitude, le silence et l'éloignement de tout ce qui peut causer des distractions. Il ne reste plus alors qu'une chose à faire, c'est de renouveler tous les jours ses tentatives pendant 10 minutes ou un quart d'heure au plus chaque fois, et cela pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois et plus s'il le faut. Nous connaissons des médiums qui ne se sont formés qu'après 6 mois d'exercice, tandis que d'autres écrivent couramment dès la première fois. 205. Pour éviter des tentatives inutiles, on peut interroger par un autre médium un esprit sérieux et avancé, mais il est à remarquer que lorsqu'on pose aux esprits la question de savoir si l'on est ou non médium, il répond presque toujours affirmativement, ce qui n'empêche pas les essais d'être souvent infructueux. Ceci s'explique naturellement. On fait à l'esprit une question générale. Il répond d'une manière générale. Or, comme on le sait, rien n'est plus élastique que la faculté médianémique, puisqu'elle peut se présenter, sous les formes les plus variées, à des degrés très différents. On peut donc être médium sans s'en apercevoir et dans un sens qui n'est pas celui auquel on pense. À cette question vague, « Suis-je médium ?», l'esprit peut répondre « Oui ». À cette autre plus précise, suis-je médium écrivain ? Il peut répondre non. Il faut tenir compte aussi de la nature de l'esprit que l'on interroge. Il y en a de si légers et de si ignorants qu'ils répondent à tort et à travers comme de véritables étourdis. C'est pourquoi nous disons de s'adresser à des esprits éclairés qui répondent en général volontiers à ces questions et indique la meilleure marche à suivre s'il y a possibilité de réussir. 206. Un moyen qui réussit assez souvent consiste à employer comme auxiliaire momentané un bon médium écrivain flexible déjà formé. S'il pose sa main ou ses doigts sur la main qui doit écrire, il est rare que celle-ci ne le fasse pas immédiatement. on comprend ce qui se passe en cette circonstance. La main qui tient le crayon devient en quelque sorte un appendice de la main du médium, comme le serait une corbeille ou une planchette. Mais cela n'empêche pas cet exercice d'être fort utile quand on peut l'employer, en ce que souvent et régulièrement répété, il aide à surmonter l'obstacle matériel et provoque le développement de la faculté. Il suffit encore quelquefois de magnétiser fortement dans cette intention le bras et la main de celui qui veut écrire. Souvent même, le magnétiseur se borne à poser sa main sur l'épaule, et nous en avons vu écrire promptement sous cette influence. Le même effet peut également se produire sans aucun contact et par le fait seul de la volonté. On conçoit sans peine que la confiance du magnétiseur en sa propre puissance pour produire ce résultat doit jouer ici un grand rôle et qu'un magnétiseur incrédule aurait peu, sinon point d'action. Le concours d'un guide expérimenté est en outre quelquefois fort utile pour faire observer aux débutants une foule de petites précautions qu'ils négligent souvent au détriment de la rapidité des progrès. Il l'est surtout pour l'éclairer sur la nature des premières questions et la manière de les poser. Son rôle est celui d'un professeur dont on se passe quand on est assez habile. 207. Un autre moyen qui peut aussi puissamment contribuer au développement de la faculté consiste à réunir un certain nombre de personnes, toutes animées du même désir et par la communauté d'intention, là que toutes, simultanément, dans un silence absolu et avec un religieux recueillement, essayent d'écrire en faisant chacune appel à son ange gardien ou à un esprit sympathique quelconque. L'une d'elles peut également faire, sans désignation spéciale et pour tous les membres de la réunion, un appel général à de bons esprits en disant par exemple « Au nom de Dieu Tout-Puissant, nous prions de bons esprits de bien vouloir se communiquer par les personnes ici présentes. Il est rare que dans le nombre, il n'y en ait pas qui donnent promptement des signes de médiumnité ou même écrivent couramment en peu de temps. On comprend aisément ce qui se passe en cette circonstance. Les personnes unies par une communauté d'intention forment un tout collectif dont la puissance et la sensibilité se trouvent accrues par une sorte d'influence magnétique qui aide au développement de la faculté. Parmi les esprits attirés par ce concours de volonté, il en est qui trouvent dans les assistants l'instrument qui leur convient. Si ce n'est l'un, ce sera l'autre, et ils en profitent. Ce moyen doit surtout être employé dans les groupes spirites qui manquent de médiums ou qui n'en ont pas en nombre suffisant. 208. On a cherché des procédés pour la formation des médiums comme on a cherché des diagnostics, mais jusqu'à présent, nous n'en connaissons pas de plus efficaces que ceux que nous avons indiqués. Dans la persuasion que l'obstacle au développement de la faculté est une résistance toute matérielle, certaines personnes prétendent la vaincre par une sorte de gymnastique presque disloquante des bras et de la tête. Nous ne décrirons pas ce procédé qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, non seulement parce que nous n'avons aucune preuve de son efficacité, mais par la conviction où nous sommes qu'il peut offrir du danger pour les complexions délicates par l'ébranlement du système nerveux. Si les rudiments de la faculté n'existent pas, rien ne saurait les donner, pas même l'électrisation, qui a été employée sans succès dans le même but. 209. La foi chez l'apprenti médium n'est pas une condition de rigueur. Elle seconde les efforts, sans contredit, mais elle n'est pas indispensable. La pureté d'intention, le désir et la bonne volonté suffisent. On a vu des personnes, parfaitement incrédules, être tout étonnées d'écrire malgré elles, tandis que les croyants sincères n'y peuvent parvenir, ce qui prouve que cette faculté tient à une prédisposition organique. 210. Le premier indice d'une disposition à écrire est une sorte de frémissement dans le bras et dans la main. Peu à peu, la main est entraînée par une impulsion qu'elle ne peut maîtriser. Souvent, elle ne trace d'abord que des traits insignifiants. Puis, les caractères se dessinent de plus en plus nettement, et l'écriture finit par acquérir la rapidité de l'écriture courante. Dans tous les cas, il faut abandonner la main à son mouvement naturel et n'apporter ni résistance ni propulsion. Certains médiums écrivent couramment et avec facilité dès le début, quelquefois même dès la première séance, ce qui est assez rare. D'autres font pendant assez longtemps des barres et de véritables exercices calligraphiques. Les esprits disent que c'est pour leur délier la main. Si ces exercices se prolongeaient par trop ou dégénéraient en signes ridicules, il n'y aurait pas à douter que c'est un esprit qui s'amuse, car les bons esprits ne font jamais rien faire d'inutile. Dans ce cas, il faudrait redoubler de ferveur pour rappeler l'assistance de ceux-ci. Si malgré cela, il n'y a pas de changement, il faut s'arrêter dès qu'on s'aperçoit qu'on n'obtient rien de sérieux. On peut recommencer la tentative chaque jour, mais il convient de cesser au premier signe équivoque pour ne pas donner cette satisfaction aux esprits moqueurs. À ces observations, un esprit ajoute : il y a des médiums dont la faculté ne peut aller au-delà de ces signes. Quand au bout de quelques mois, ils n'obtiennent que des choses insignifiantes, des oui ou des non, ou des lettres sans suite, il est inutile de persister à noircir du papier en pure perte. Ils sont médiums, mais médiums improductifs. Du reste, les premières communications obtenues ne doivent être considérées que comme des exercices que l'on confie à des esprits secondaires. C'est pourquoi il ne faut y attacher qu'une médiocre importance en raison des esprits qui sont pour ainsi dire employés comme maîtres d'écriture pour dégrossir le médium débutant. Car ne croyez pas que ce soit jamais des esprits élevés qui fassent faire au médium ces exercices préparatoires. Seulement il arrive que, si le médium n'a pas un but sérieux, ses esprits restent et s'attachent à lui. Presque tous les médiums ont passé par ce creuset pour se développer. C'est à eux de faire ce qu'il faut pour se concilier la sympathie des esprits vraiment supérieurs. 211. L'écueil de la plupart des médiums débutants est d'avoir affaire à des esprits inférieurs, et ils doivent s'estimer heureux quand ce ne sont que des esprits légers. Toute leur attention doit tendre à ne pas leur laisser prendre pied, car une fois ancrés, il n'est pas toujours facile de s'en débarrasser. C'est un point tellement capital, surtout au début, que sans les précautions nécessaires, on peut perdre le fruit des plus belles facultés. Le premier point consiste à se mettre avec une foi sincère sous la protection de Dieu et à réclamer l'assistance de son ange gardien. Celui-ci est toujours bon, tandis que les esprits familiers, sympathisant avec les bonnes ou les mauvaises qualités du médium, peuvent être légers ou même mauvais. Le second point est de s'attacher avec un soin scrupuleux à reconnaître par tous les indices que fournit l'expérience la nature des premiers esprits qui se communiquent et dont il est toujours prudent de se défier. Si ces indices sont suspects, il faut faire un appel fervent à son ange gardien et repousser de toutes ses forces le mauvais esprit en lui prouvant qu'on n'est pas sa dupe afin de le décourager. C'est pourquoi l'étude préalable de la théorie est indispensable si l'on veut éviter les inconvénients inséparables de l'inexpérience. On trouvera sur ce sujet des instructions très développées dans les chapitres de l'obsession et de l'identité des esprits. Nous nous bornerons à dire ici qu'en outre du langage, on peut regarder comme des preuves infaillibles de l'infériorité des esprits. Tout signe, figure, emblème, inutile ou puéril, toute écriture bizarre, saccadée, torturée à dessein, de dimensions exagérées ou affectant des formes ridicules et inusitées. L'écriture peut être très mauvaise, peu lisible même, ce qui tient plus au médium qu'à l'esprit, sans avoir rien d'insolite. Nous avons vu des médiums tellement abusés qu'ils mesuraient la supériorité des esprits à la dimension des caractères et qu'ils attachaient une grande importance à des lettres moulées comme des caractères d'imprimerie, puérilité évidemment, incompatible avec une supériorité réelle. 212. S'il est important de ne pas tomber sans le vouloir sous la dépendance des mauvais esprits, il l'est plus encore de ne pas s'y mettre volontairement. Il ne faut pas qu'un désir immodéré d'écrire fasse croire qu'il est indifférent de s'adresser au premier venu, sauf à s'en débarrasser plus tard, s'il ne convient pas, car on ne demande pas impunément assistance pour quoi que ce soit à un mauvais esprit qui peut faire payer cher ses services. Quelques personnes impatientes de voir se développer en elles la faculté médianémique, trop lente à leur gré, ont eu l'idée d'appeler à leur aide un esprit quelconque, fût-il même mauvais, comptant bien le congédier ensuite. Plusieurs ont été servis à souhait et ont écrit immédiatement. Mais l'esprit, ne se souciant pas d'avoir été pris pour pis-aller, a été moins docile à s'en aller qu'à venir. Nous en connaissons qui ont été punis de leur présomption à se croire fortes pour les éloigner à leur gré, par des années d'obsession de toute nature, par les mystifications les plus ridicules, par une fascination tenace et même par des malheurs matériels et les plus cruelles déceptions. L'esprit se montra d'abord ouvertement méchant, puis hypocrite, afin de faire croire ou à sa conversion ou à la prétendue puissance de son subjugué pour le chasser à volonté. 213. L'écriture est quelquefois très lisible, les mots et les lettres parfaitement détachés. Mais avec certains médiums, elle est difficile à déchiffrer, pour tout autre que celui qui écrit. Il faut en acquérir l'habitude. Elle est assez souvent formée à grands traits. Les esprits sont peu économes de papier. Lorsqu'un mot ou une phrase est trop peu lisible, on prie l'esprit de vouloir bien recommencer, ce qu'il fait généralement volontiers. Quand l'écriture est habituellement illisible, même pour le médium, celui-ci parvient presque toujours à en obtenir une plus nette par des exercices fréquents et soutenus, en y apportant une forte volonté et en priant avec ardeur l'esprit d'être plus correct. Certains esprits adoptent souvent des signes conventionnels qui passent en usage dans les réunions habituelles. Pour marquer qu'une question leur déplaît et qu'ils n'y veulent pas répondre, ils feront par exemple une longue barre ou quelque chose d'équivalent. Lorsque l'esprit a fini ce qu'il avait à dire ou qu'il ne veut plus répondre, la main reste immobile et le médium, quelle que soit sa puissance et sa volonté, ne peut obtenir un mot de plus. Au contraire, tant que l'esprit n'a pas achevé, le crayon marche sans qu'il soit possible à la main de s'arrêter. Veut-il dire spontanément quelque chose? La main saisit convulsivement le crayon et se met à écrire sans pouvoir s'y opposer. Le médium, d'ailleurs, sent presque toujours en lui quelque chose qui lui indique s'il n'y a que suspension ou si l'esprit a terminé. Il est rare qu'il ne sente pas quand celui-ci est parti. Telles sont les explications les plus essentielles que nous ayons à donner touchant le développement de la psychographie. L'expérience fera connaître dans la pratique certains détails qu'il serait inutile de rapporter ici et pour lesquels on se guidera d'après les principes généraux. Que beaucoup essayent et l'on trouvera plus de médiums qu'on ne pense. 214. Tout ce que nous venons de dire s'applique à l'écriture mécanique. C'est celle que tous les médiums cherchent à obtenir avec raison. Mais le mécanisme pur est fort rare et il s'y mêle très souvent plus ou moins d'intuition. Le médium ayant la conscience de ce qu'il écrit est naturellement porté à douter de sa faculté. Il ne sait si cela vient de lui ou d'un esprit étranger. Il n'a nullement à s'en inquiéter. Il doit poursuivre quand même, qu'il observe avec soin, et il reconnaîtra facilement dans ce qu'il écrit une foule de choses qui n'étaient pas dans sa pensée, qui même y sont contraires, preuve évidente qu'elles ne viennent pas de lui. Qu'il continue donc, et le doute se dissipera avec l'expérience. 215. S'il n'est pas donné au médium d'être exclusivement mécanique, tous les essais pour obtenir ce résultat seront infructueux, et pourtant il aurait tort de se croire déshérité pour cela. S'il n'est doué que de la médiumnité intuitive, il faut bien qu'il s'en contente, et elle ne laissera pas de lui rendre de grands services si c'est la mettre à profit et s'il ne la repousse pas. Si, après d'inutiles essais poursuivis pendant quelque temps, aucun indice de mouvement involontaire ne se produit, ou si ces mouvements sont trop faibles pour donner des résultats, il ne doit pas hésiter à écrire la première pensée qui lui est suggérée, sans s'inquiéter si elle vient de lui ou d'une source étrangère. L'expérience lui apprendra à en faire la distinction. Il arrive très souvent d'ailleurs que le mouvement mécanique se développe ultérieurement. Nous avons dit plus haut qu'il est des cas où il est indifférent de savoir si la pensée vient du médium ou d'un esprit étranger. C'est surtout lorsqu'un médium purement intuitif ou inspiré fait un travail d'imagination pour lui-même. Peu importe qu'il s'attribue une pensée qui lui serait suggérée, s'il lui vient de bonnes idées, qu'il en remercie son bon génie, et il lui en sera suggéré d'autres. Telle est l'inspiration des poètes, des philosophes et des savants.